Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bonjour tout le monde, nous sommes très ravis d'être à nouveau parmi vous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre émission. Je suis très content d'être au studio avec Jean-Paul. Salut Yoli. Comment ça va? Ben ça va et toi? Bah ça va super, merci beaucoup. Malgré la pluie, mais bon. Bah oui. Le studio est bien chauffé, je trouve à chaque fois. Oui, oui, toujours. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Jean-Paul? Bah écoute, comme tu vois ici, j'ai un jeu de cartes en main qui représente la fresque des inégalités. En fait, ce sont des cartes un peu format carte postale, recto-verso. Et c'était mis au point par Oxfam France, par le président, le dernier président, l'avant-dernier, pardon. Et il a l'excellente idée de rapprocher tous les rapports Oxfam des deux ou trois dernières années avec les phénomènes actuels qui montent, qui est la croissance des inégalités, qui est quelque chose qui est insupportable, qui, dans l'opinion publique, est reprise maintenant de plus en plus. Même les grands médias français, encore la semaine passée, dans Libé, et même notre chère directrice Cécile Duflo était sur BFM la même semaine pour dire, voilà, le gouvernement français... ne bouge toujours pas sur la façon de taxer les très très riches, et on ne comprend pas. Alors que le budget est en train de se décaler vers des niveaux de importants. Et nous allons aussi évoquer l'actualité d'Oxfam France au niveau de la France. Je vais notamment vous parler de la loi du climat qui va être discutée à l'Assemblée nationale. Et à la fin, on va jouer à un jeu de cartes où cette fois, ça va être moi qui interroge Jean-Paul. Sur l'engagement. Oui, on a toujours dit qu'on ferait un petit fil rouge sur les auditeurs plutôt de la tranche 18-25 ans pour nous questionner sur qu'est-ce que recouvre cette notion d'engagement. Voilà, les questions d'engagement. Large. Et on va avoir pas une, mais deux pauses musicales. Nous allons écouter Lose Control de Teddy Swims. Something's got a hold on me lately. Et nous allons également écouter Hold Me Closer de Elton John et Britney Spears. Donc voilà pour les pauses musicales. Donc maintenant que le programme est annoncé, le sommaire est énoncé, je vous propose qu'on commence tout de suite par la fresque des inégalités parce que j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et je pense que les auditeurs également. Ben oui, je dis parce que bon, cette fresque... elle arrive un peu juste après la fresque du climat que beaucoup de gens connaissent déjà. Ils nous ont précédés. Mais voilà, c'est une façon de réunir un groupe entre 10 et 20 personnes autour d'une table suffisamment grande, en fer à cheval. Et le jeu, entre guillemets, consiste à... Les animateurs envoient des bordées successives de plusieurs cartes qui sont très bien sélectionnées par Oxfam. Ça commence par 5 cartes. Et la première, je te donne l'exemple, les 1% les plus riches se partagent près de la moitié des richesses de la planète. Donc les 1% des plus riches qui se partagent la moitié de la richesse de la planète, c'est quelque chose qu'on entend maintenant depuis plus de 2 ou 3 ans. C'est une forme d'aberration, on dit que c'est pas possible que voilà, si peu de gens possèdent la moitié de... Ça veut dire la moitié de la planète, c'est les terres agricoles, c'est tout ce qui va avec, c'est tout le système financier, c'est tout... C'est toutes les réserves d'argent, c'est une forme de pouvoir qui se donne. Les très riches sont, en plus, occupent des postes importants au niveau des pouvoirs de décision. Donc ça commence comme ça, on tire un fil, et avec les gens autour de la table, organisent les inégalités en fonction de leur sensibilité. Parce qu'évidemment, on balaye toutes les formes d'inégalité et on met en évidence les conséquences. Par exemple, pour revenir au 1%, mais on a des conséquences immédiates, c'est que 71% de la population mondiale vit avec moins de $10 par jour. C'est des chiffres que donne la Confédération des Oxfam. Et on voit aussi, au dos des cartes, on voit les précisions sont données. Et on se rend compte de ces inégalités, mais c'est pas possible de les réfréner, de les juguler, de mettre une régulation en place. J'en prends une qui m'a sauté aux yeux, parce qu'il y a quand même, je veux dire... Celle avec le vélo. Alors, c'est un vélo très spécial. C'est pas un vélo, Yoni. C'est quoi? C'est un fauteuil roulant. Ah, pardon. C'est parce que... la radio... C'est parce que je suis loin. Ça va. Excusez-moi. Et le titre en dessous, c'est « Risque d'accident et de maladie ». D'accord. C'est-à-dire que les conditions de vie, la promiscuité, l'alimentation, le travail dangereux, même l'alimentation, tu vois, parce que quelqu'un qui est dénutri... qui travaille en pleine chaleur sur un stade de foot à Dubaï, prenons un exemple, les risques d'accidents du travail sont largement augmentés. Donc voilà, des conséquences immédiates. Et, là... et donc l'idée de la fraise des inégalités, c'est montrer à travers les fiches les différents pôles d'inégalité, comment où il y a inégalité. Les inégalités se déclinent. Ok. À tout point de vue, y compris sur la parité homme-femme, parce qu'aussi les femmes qui occupent des postes de travail informel, du travail non rémunéré. Oui, on l'a évoqué la dernière fois sur le 8 mars. C'est 75% des femmes à travers le monde qui, de toute façon, n'ont pas de bulletin de salaire. Donc, pas de retraite. Elles font un travail qui est auprès des enfants, des anciens, du ménage, de la famille, et faire vivre une communauté villageoise aussi. Certaines femmes sont admirables dans les communautés villageoises pour tenir debout cette communauté. Les inégalités sont là aussi à travers le monde. Et donc, vous avez porté une action avec des étudiants à Nancy. Voilà, on a intéressé un groupe d'étudiants à l'IAE, qui était en plus un support pour eux de compte-rendu auprès dans le cadre d'un projet tutoré. Et le groupe local était impliqué pour à la fois les former, et ensuite, j'ai pu assister à leurs prestations devant leurs collègues en interne à l'IAE. Avec ce groupe d'étudiants, il est prévu qu'on aille, que ça fasse chambre d'écho auprès d'autres campus. Et peut-être via aussi cette radio associative amie du côté de Radio Campus Lorraine, par exemple, on pourrait, Johnny, aller faire un tour aussi et aller prêcher donc, cette bonne parole de la fresque, qui est vraiment quelque chose où les gens ressortent impressionnés. Aussi conscients de ce qui se passe. Conscients de ça, absolument. Parce qu'en fait, on est dans notre petite bulle en France, où la majorité des gens vivent bien, surtout le public ciblé par cette action. Mais oui. Donc on ne se rend pas compte... des difficultés extrêmes. Quoi. Mais si j'ai encore deux minutes, Yoni, je voudrais te parler d'une égalité qu'on ne soupçonne pas. Ce sont, par exemple, tu prends en France quand les élèves sont mis en vacances très tôt, parce que les classes sont réquisitionnées pour les concours. Pour les, pour les corrections. Les corrections. Alors, des gamins de 5e, imagine un collège dans un quartier, le gamin, il est livré à lui-même à partir de début juin. Donc, il a juin, juillet, août. Il a 3 mois, si ses parents travaillent, si c'est des gens qui ont du petit salaire, le gamin, il va faire quoi? Il va s'amuser en bas des bars, en bas des tours. Et on y fait confiance, hein, on veut bien, mais j'arrête là la description. Ouais. Alors qu'une famille aisée va envoyer son garçon en Angleterre apprendre l'anglais pendant un mois, à cause de 3 mois de vacances, si tu veux. Et actuellement aussi, comme tu le sais, il y a aussi des profs qui... rouspètent contre les lois de la République qui disent, bon voilà, en mettant des groupes de niveau... C'est des groupes pour niveau, chaque élève... Ça peut créer des inégalités, parce qu'un gamin qui est un peu à la traîne pourrait être boosté par un niveau supérieur au sien. Moi je pense que c'est plus t'es démotivé quand t'es avec des gens beaucoup plus forts, donc au moins tu travailles les bases... Et tu travailles là où tu as des lacunes, non? Et si on te met dans un groupe de niveau faible, tu dis, je suis avec les faibles, donc je ferai pas d'efforts. Ou, ouais. Tu vois, il y a un truc là qui a vraiment à travailler. Je vois. Voilà. Après avoir discuté de cette fraise d'inégalité et de l'actualité locale à Nancy, nous allons passer à la première pause musicale. Je vous propose d'écouter Hold Me Closer de Elton John et Britney Spears. Oh, Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. On est de retour après avoir écouté Hold Me Closer. Maintenant, pour la suite de l'émission, je vais vous évoquer l'actualité nationale d'Oxfam France. Le 14 mars, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de toute l'industrie textile a été adoptée. C'est une avancée vraiment majeure dans le combat contre la fast fashion. Et c'est porté par de nombreux acteurs depuis plusieurs années. Nous le savons à présent et nous l'avons dit dans maintes émissions que l'impact social et climatique de la fast fashion est désastreux sur tout le monde entier. Et si cette proposition de loi est encourageante et synonyme de prise de conscience, il y a encore de nombreux efforts à réaliser. Et nous allons découvrir l'approche que a fait Oxfam France de cette proposition de loi, tout en rappelant premièrement, ce qu'elle stipule actuellement. Donc déjà, la fast fashion, elle est définie noir sur blanc comme, je cite, « la mise à disposition ou la distribution d'un nombre élevé de nouvelles références de vêtements ou d'accessoires neufs sur un temps donné dépassant certains seuils. Ces seuils seront fixés par décret. » Ça veut dire que avant on avait une collection hiver et une collection été, mais là, il y en a toutes les deux semaines de nouvelles collections tout le temps. Ouais, parce que la mode devient mondiale. Et... voilà. Alors qu'avant, si tu voulais de nouveaux vêtements, c'était en hiver et en été, et voilà. Donc, selon les seuils, ils seront fixés selon les entreprises qui sont considérées comme pratiquantes de la fast fashion. Et donc, les différentes mesures pour sanctionner, ce sera la mise en place d'un bonus ou d'un malus. Ça veut dire récompenser ou sanctionner les entreprises de l'industrie de la mode. Donc, le malus pourra s'élever jusqu'à 10 euros par pièce. Alors qu'il y a certaines pièces qui ne font même pas 10 euros et permettra de financer des acteurs les plus vertueux. Ouais. On ne sait pas encore quelles sont pour les plus vertueux. Donc, il y aura aussi une interdiction de la publicité et de la promotion des entreprises de fast fashion pour lutter contre l'incitation à la surconsommation. Et il y aura aussi, dans le site en ligne, les entreprises doivent afficher des messages sensibilisant à l'impact environnemental de la mode. Ouais, non mais on est bien dans des actions de name and shame en anglais. Voilà. Nommer et dénoncer vraiment les pratiques scélérates. Déjà que quand Chine avait voulu faire un reportage avec des influenceurs, comme soi-disant ils traitaient très bien leurs employés, ça avait tout le monde les avait shame. Enfin, ça avait tourné un peu à la risée de tout le monde. Mais là, ça sera vraiment explicite. Et donc on se demande, mais pourquoi en fait encadrer de manière législative la fast fashion? Parce que ça paraît quand même assez loin, mais en fait il faut savoir que c'est aujourd'hui le troisième secteur, l'industrie textile, qui est le plus consommateur d'eau au monde. Ouais. Pendant qu'il y a vraiment du stress hydrique, on appelle ça, autour dans certaines régions. Et un secteur extrêmement polluant parce qu'il est responsable de l'émission de 4 milliards d'équivalent CO2 par an. Ouais, sans oublier que la France est le pays au monde qui a pays de la fringue, de la mode et du luxe. Voilà. Et donc, c'est très intéressant que ce soit la France qui porte cette proposition de loi pour contrer ce grand groupe chinois, Shein, qui, je l'ai appris... Ah, mais tous les fast fashion. Oui, même tous. Mais lui, même en déficit, ça ne les gêne pas. Tout ça pour contrer Zara, les gros groupes européens. Pour être vraiment essayer de les déstabiliser, voire leur faire faillite, quoi. Mais vraiment le pire c'est aussi le fait que en fait ils s'arrêtent pas à une plateforme, dans le sens où il y en a plusieurs, et là il y en a de plus en plus des Chinois qui arrivent. Ouais. C'est Panda Buy, Temu, Yogion, enfin il y en a énormément qui arrivent et qui sont parfois encore moins chers. Et jusqu'à quel prix ça va aller, quoi. Mais voilà, où vont-ils chercher les salariés, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, ce texte de loi est un premier pas vers une mode plus soucieuse de l'environnement. Cependant, pour lutter durablement, il faut des mesures plus ambitieuses. Donc ça, c'est le rapport d'Oxfam France. Le projet de loi est pénalisant pour les entreprises dépassant le seuil de production, mais si le seuil est trop élevé, alors les sanctions ne s'appliqueront qu'à un faible nombre d'entreprises du secteur de la mode. Donc, selon eux, il faut mieux choisir les entreprises qui seront sanctionnées. Et au-delà du cadre législatif, dressant des barrières à l'entrée de produits générant des conséquences sociales et climatiques désastreuses, il est nécessaire d'avoir une réflexion plus large sur l'industrie de la mode, avec une transition qui se fait avec des accès à des ressources alternatives et des ouvrières actuellement employées dans des conditions indécentes. Donc maintenant, c'est au tour du Sénat de travailler le texte pour ensuite l'adopter en an. Et donc, nous allons vous tenir au courant de l'actualité de cette loi. Mais voilà, le rapport et leur explication de, ouais, de ce texte. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, écoute, moi, je trouve que c'est le moment actuellement de vraiment dénoncer les mauvaises pratiques et de faire de tenir un score des vertueux. J'ai vu récemment que Adidas, par exemple, est un groupe, un des mieux placés en termes de RSE au niveau mondial. Et on se rend compte que nos chers petits Français, bah, ils ne sont pas forcément les meilleurs. Hein, et j'ai en tête encore un exemple, mais ça c'est autre chose, ce n'est pas de la fringue. Quand Yoplait, la petite fleur, est meilleure que Danone, on dit tiens, c'est bizarre, pourquoi ? Eh bien, tant pis, tant mieux, mais le consommateur, quand il fait ses courses maintenant, va à prix quasiment égal, va dire ah ben, je préfère aller acheter le produit qui respecte les normes environnementales. Mais ça, c'est il faut dénoncer, et les consommateurs, je crois que ça marche de mieux en mieux de ce point de vue-là. Ils veulent mettre leur argent au bon endroit. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y en a. Moi, j'avais fait un projet pour l'école et il y a plus de 50% des gens qui sont prêts à mettre un peu plus d'argent si c'est pour avoir des vêtements de bonne qualité. Enfin, ouais. L'étude, elle était au Royaume-Uni, mais j'imagine que c'est un phénomène mondial. Phénomène-là. Et puis la seconde main, qui parfois est d'excellente qualité, est très à la mode, qui revient à la mode. Oui, tout à fait. Donc, si on veut avoir le temps de faire notre petit quiz, on va tout de suite passer à la deuxième musique. C'est Teddy Swims, Lose Control. À tout de suite, Yoli. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Control when you're not next to me. here with me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. On est de retour après avoir écouté Lose Control de Teddy Swims. Il nous reste peu de minutes et je vous propose qu'on passe ça va aller. Tout de suite à notre jeu, débat qu'on fait tout le temps avec Jean-Paul. Ben oui, on avait dit qu'on... c'est un fil rouge, on essaye de faire ça à chaque fois. Donc l'idée c'est que je pioche quelque chose et je lui pose la question, donc une carte. Donc... on rappelle que c'est sur l'engagement des jeunes. Et là, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un jeune de 18 ans. Ouais. Visiter des associations, s'informer sur des actions bénévoles, utile, pas utile pour toi. Explique ta réponse. Alors là, j'ai 18 ans et j'ai des converses et... et on me pose cette question. Redis-moi la question. Visiter des associations, s'informer sur des actions bénévoles, utile, pas utile pour toi. Explique ta réponse. Visiter, alors là, le mot me... Si je me mets à 18 ans que je vais au forum des associations à la Pépinière, mois de septembre, comme tous les ans, la ville de Nancy offre son espace public pour mettre des stands, toutes les associations sur le territoire de Nancy. Et dans la peau d'un jeune, je dis, ouais, bon, bah, je visite. Effectivement, je vais voir Amnesty, je vais voir Greenpeace, je vais voir peut-être Artisans du Monde, peut-être... de tout. Il y a même des associations sportives, il y a du judo. Il y a même la Fadjet. Il y a même Fadjet, oui. Ouais. Utile, pas utile, disons que je me dis, qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens-là, et est-ce que leur message est le même à ce moment-là? Un samedi après-midi à la Pépinière, il y a pléthore, ils sont tous là, si je les compte, ils sont 150, hein, parfois. Mm-hmm. Je prends de l'info, je peux aller voir les flyers, qu'est-ce qu'ils font? Et comment je vais orienter mon choix? Alors, à 18 ans, moi, j'avais peut-être envie de taper dans un ballon. Bon, alors peut-être avec un peu de chance, une association sportive qui propose, bon. Et je crois que finalement, ça va être la personne sur le stand qui aura fait une bonne accroche, qui pourrait me séduire, me dire, tiens, ouais, j'ai envie d'essayer. Donc pour toi, ce serait pas utile, c'est ça que j'ai essayé de comprendre. C'est utile, mais il faut amener le jeune sur ces endroits-là. Et... c'est pour ça que c'est dans un parc. Est-ce qu'ils attirent réellement des jeunes? Oui. T'en es convaincu? J'en suis convaincu, oui. J'espère que l'information est faite, qu'ils sont sensibilisés à aller voir de plus près. Bon, j'ai pris l'exemple de la Pépinière en septembre, parce que c'est un truc qui existe tous les ans. Autre endroit, visiter des associations. Alors, il y a le milieu scolaire qui pourrait être un, un étudiant qui est un moyen de dire, allez voir ça. Et je pense aux amis du MAN, que je connais bien, Mouvement pour une alternative non violente. Où je me dis que franchement, le monde a une forme de violence contenue maintenant qui est assez lisible, qui est criante parfois. Enfin, je veux pas aller trop sur cette pente-là, mais... Donc, c'est peut-être bien, mais amener le jeune vers d'autres formes aussi. Que visiter, que ce soit l'association qui vienne vers les jeunes, si je comprends bien. Moi, j'y mets immédiatement le mot conscience, mais là, j'ai plus 18 ans, là, j'ai 60 ans. C'est sûr que les choses changent. En plus, entre les générations, certains s'engagent plus, certains moins. Tout ça, ça reste à voir. Mais des bonnes accroches à trouver auprès des jeunes. Par exemple, le numérique, par exemple, les jeux. C'est une façon aussi d'intéresser des jeunes et de les mettre autour d'une table et puis leur passer un autre message derrière. C'est sûr. Mais en tout cas, tout dépend de la personne, mais... à voir. Et vous, qu'est-ce que vous auriez répondu, les auditeurs? À vous de nous dire sur nos réseaux sociaux, groupe local Oxfam Nancy. Un petit mot sur la page Facebook. Voilà, un petit mot. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté cette émission. Moi, on espère vraiment vous avoir informé et diverti en même temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Paul. C'est le but. Et de questionner. On se retrouve au mois prochain pour des thématiques encore qui restent à définir. En attendant, prenez soin de vous et ciao, ciao. Bye, bye.